Alors, au passé simple en joueur, avec il ou elle au pluriel, et donc aussi avec ustedes, hein, pour les verbes en ar, on emploie la terminaison aron. Hein, aron. A-R-O-N. Donc, on remplace le ar de l'infinitif par aron. Alors, il ou elle ont parlé, hein, au passé simple en joueur. Hablaron. C'est ça, hablaron. Hein, hablaron. Et il ou elle m'ont appelé, hein, simple en joueur toujours. Me llamaron. Encore une fois. Me llamaron. D'accord, me llamaron. Il faut que l'on puisse bien entendre la terminaison. Hein, me llamaron. Et maintenant, vous vous adressez à plusieurs personnes que vous voyez. Donc, à ustedes. À quelle heure est-ce que vous m'avez appelé? Simple joueur. À qué hora me llamaron? Bien. À qué hora me llamaron? Et il ou elle sont arrivés tard. Au passé, simple joueur. Llegaron tarde. Llegaron tarde, oui. À quelle heure est-ce que vous êtes arrivé? Vous posez la question à ustedes. À quelle heure llegaron? D'accord, hein? Encore une fois. À quelle heure llegaron? Bien, hein? À quelle heure llegaron? Et je suis arrivé il y a 2 heures. Je suis arrivé, hein? Au passé simple en joueur. Llegué. Oui, hein? Llegué. Et pour dire « il y a », on dit « ça fait ». Donc, « ça fait 2 heures », hein, « ça fait » se dit « a fait ». Bon, il ne peut y avoir qu'une seule syllabe accentuée par mot. Hein. Là, vous en avez accentué 2. Hein. Donc, vous devez choisir laquelle des 2 doit être accentuée à l'oral. « A fait ».« A fait ». A fait, c'est ça. C'est sur l'avant-dernière syllabe qu'on doit insister à l'oral, parce qu'il s'agit du présent. Donc, a fait signifie ça fait. On l'emploie dans le sens de il y a. Mais qu'est dit non, mais qu'est dit. Mais qu'est dit. D'accord, c'est un verbe en ar, quedarse, donc mais qu'est dit. Et il est resté, toujours simple en joueur. Quedo. Littéralement, il s'est resté. Oui. Se quedo. Se quedo. Hein? Se quedo. Hein? D'accord. Donc, il n'est pas resté, simple en joueur. No se quedo. No se quedo. Et il ou elle sont restés, hein? Toujours simple en joueur. Quedaron, se quedaron. Se quedaron. Hein? Donc, on a aron avec il ou elle au pluriel. Et pour l'autre catégorie de verbe, on a... Yeron. Yeron. Hein? Donc, on a maintenant e, o et aron pour les verbes en ar. Et i, yo et yeron pour les verbes en er et ir.